La fuite en avant. Pendant le mois de novembre, Faustine se met au vert. Maxime l'a invitée à se joindre à lui la semaine du 21. Il instruira un séminaire de 3 jours à Stockholm. Faustine est ravie de revoir la capitale suédoise qui a abrité les débuts de leurs amours 10 ans plus tôt. De plus, ils sont invités à passer le week-end chez un ancien collègue demeurant à Uppsala. Pour leur séjour à Stockholm, Maxime a loué une chambre au Lady Hamilton, un minuscule hôtel au cœur de la vieille ville. Il est situé dans Gamla Stan, à 2 pas du Lord Nelson, autre hôtel décoré à l'identique par les mêmes propriétaires. La sulfureuse Lady Hamilton, maîtresse dudit Lord Nelson, décédée à la bataille de Trafalgar en 1805, a vécu une vie tumultueuse autant que passionnante. Trahie par ses hommes, mari et amant, harcelée par ses créanciers, elle meurt à 49 ans d'alcoolisme. Alexandre Dumas en fera l'héroïne de l'un de ses romans. L'hôtel, ravissant bijou au charme très féminin, plaît beaucoup aux couples. Faustine apprécie particulièrement la cave, aménagée en spa. En sortant du sauna, Maxime et elle se sont rafraîchis dans un puits très original, empli d'eau tiède. Ensuite, ils ont savouré un jus d'orange frais dans des fauteuils confortables, devant un bon feu de bois. Le jour, pendant que Maxime dispense ses cours à la marine suédoise, Faustine se promène et visite les musées. Au terme des 3 jours prévus, il quitte cet hôtel, payé par l'entreprise, pour un logement moins onéreux. Sur le conseil d'un de ses élèves, Maxime loue une double cabine sur un vieux rafio entièrement rénové, ancré à proximité. Le Roda Batten, le bateau rouge. Ce cadre-là est insolite autant que superbe. De son hublot, Faustine a vu sur le majestueux bâtiment de l'hôtel de ville. Dans la salle à manger, un antique poêle dispense sa chaleur et cette odeur de feu de bois si caractéristique. Véritable Madeleine de Proust pour Faustine, elle réveille les impressions sécurisantes de sa toute petite enfance. Un bien-être incomparable, intensifié par le ciel gris de novembre et la température glaciale qui règne au dehors. Maxime souhaite mettre à profit leurs 2 derniers jours à Stockholm pour visiter les îles alentours, si possible dans le ferry bus que prennent les autochtones. Faustine se renseigne et trouve exactement leur bonheur, le bateau qui fait la navette entre les îles pour distribuer le courrier, mener les enfants à l'école et réapprovisionner les épiceries locales. Ils passent une journée dépaysante entre quelques-unes des 30 000 îles qui constituent l'archipel de Stockholm. Faustine est fascinée par les jolies maisons rouges et jaunes disséminées sur les rivages et dans les forêts, comme autant de jouets. Le samedi matin, départ pour Uppsala où ils sont attendus en fin de matinée. Ils parcourent les 70 et quelques kilomètres en un peu plus d'une heure. Faustine est contente que ça aille vite. Le paysage est loin d'être passionnant sur cette autoroute, entre 2 rangées de grillages qui protègent des sapins ou des bouleaux, tristement uniformes. À Uppsala, le couple est accueilli par Inga et Søren Eriksson. Søren est un ancien collègue de Maxime qu'ils ont connu lorsqu'ils vivaient aux USA. Arrivés plus tôt que prévu, ils surprennent leurs hôtes en pleine préparation des festivités de Noël. 3 semaines à l'avance, leur maison est déjà entièrement décorée de figurines, mobiles, coussins, broderies, chaussettes, napperons, artefacts en bleu et jaune, couleur de la Suède. Une pénétrante odeur de cannelle sature l'air. Pendant le repas, Inga et Søren racontent l'importance des coutumes dans les pays nordiques en général et la Suède en particulier, comme ces veillées au cours desquelles les femmes se réunissent pour assembler les pièces d'un patchwork et conter de belles histoires. De leur côté, seuls ou en groupe, les hommes tricotent, et pas que du point jersey ou mousse tout simple. Inga présente à ses invités le dernier pull en jacquard que Søren lui a tricoté. Faustine est épatée. Ce n'est pas demain la veille qu'elle en fera autant. Pour le déjeuner, Maxime et Faustine savourent un délicieux ragoût de renne. Quant au souper, ils ont droit aux fameuses boulettes du mélange bœuf-porc, à la confiture d'érelle qu'on vous sert dans toutes les boutiques ikéboises de l'Hexagone. Dégustées dans le pays d'origine, finalement, c'est nettement moins dégueulasse. Ils visitent la maison de la cave au grenier, admirant au passage la salle de jeu sophistiquée au sous-sol, meublée de canapés profonds et engageants. Faustine regrette beaucoup de ne pas dormir là, car les lits qu'on leur alloue sont tellement inconfortables qu'elle a l'impression de reposer sur un matelas de galets. Heureusement, le supplice ne dure qu'une nuit. Elle n'aurait pas supporté de jouer les prolongations. Après un petit déjeuner gargantuesque, composé de harengs, saucisses, porridge, œufs au plat et lard fumé, Maxime et Faustine reprennent la route en direction de l'aéroport. Le vendredi 4 décembre, Faustine est rivée à son écran télé pour le lancement du Téléthon parrainé par Jerry Lewis. C'est la première fois qu'il est diffusé en France. On s'en doute, l'événement a eu droit à un battage médiatique sans précédent. Depuis plusieurs semaines déjà, pendant 28 heures non-stop, Michel Drucker, Claude Sérillon, Gérard Holtz et Jacques Chancel se relaient à l'antenne. L'émission obtient un succès retentissant. La collecte dépasse les 181 millions de francs, 29,7 millions d'euros, soit trois fois plus que le montant espéré. Le compteur, limité à 8 chiffres, doit être complété par un deuxième panneau écrit à la main. Ce week-end, les fédérations et mouvements associatifs, certaines entreprises, se mobilisent spontanément en organisant des manifestations culturelles et sportives dans les villes et villages de l'Hexagone. Tout le monde s'active, depuis les petits malades jusqu'aux chanteurs, chanteuses, champions sportifs et célébrités du moment. Même si c'est trop tard pour Julien, Faustine est abasourdie par les résultats. Elle est curieuse de voir ce que les chercheurs vont faire de tout cet argent et espère qu'il y aura enfin des avancées concrètes dans le domaine des maladies orphelines. En attendant, l'organisation est extraordinaire. Isabelle et Bernard ont vraiment bien travaillé. Faustine se demande si leur fils Emmanuel est toujours vivant. Elle ne l'a pas reconnu parmi les enfants présents au fauteuil roulant. Bien sûr, elle n'osera pas le leur demander. Maxime interroge. Qu'est-ce que tu veux faire à Noël? Je retournerai bien à la Martinique. J'en garde un excellent souvenir. Fichtre, c'est un peu cher, non? Bon, je vais voir ce que je peux nous dégoter. Ainsi fut fait. Les deux parents orphelins s'envolent du 23 au 30 décembre 1987 pour Sainte-Anne-de-la-Martinique. Maxime avait repéré ce petit hôtel lors de leur précédent passage. Hélas. Arrivés le 24 avant minuit, ils sont accueillis avec une demi-bouteille de champagne tiède, un homard anorexique et trois patates qui se courent après. Maxime étant de mauvaise humeur, Faustine plonge. Toutes les occasions lui sont bonnes pour boire. Elle se met dans un tel état que son pauvre mari, alors qu'elle gît ivre-mort en travers de leur lit, hésite à prendre la fuite en l'abandonnant, tout simplement. Il commet la bêtise de le lui confier. Quel con! Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? J'aurais enfin pu recommencer ma vie sans déloyauté. Franchement, il n'a pas de couilles. Hein. Les jours suivants sont du même tonneau, à la hauteur du chagrin de cette femme brisée qui voit sa vie s'enfoncer dans une impasse et n'arrive plus à relever la tête. Pendant ses vacances, ils resteront séparés le plus souvent possible. Pas de balade dans l'île, pas de planche à voile, ni de marché Saint-Pierre à Fort-de-France. Au moment du retour, c'est le pompon. Le vol a été annulé pour cause de problèmes techniques. Ils sont condamnés à attendre le suivant. Faustine consacre ses tout derniers sous à l'achat de mignonnettes de rhum, grâce auxquelles elle s'endort, allongée sur le tapis roulant destiné aux bagages. Le réveil est brutal. Indépendamment d'une gueule de bois carabinée, Faustine prend vraiment conscience, cette fois, qu'elle aura beau aller jusqu'au bout du monde, elle n'arrivera jamais à se fuir. Dès leur retour, Faustine se remet en quête de travail. Elle rêve d'un boulot reposant, bien payé, qui lui permettrait d'aménager dans un studio à elle. Adia Intérim lui propose un poste fixe chez Elexo S.A. à Massy-Palaiseau. La boîte élabore et vend des logiciels, principalement dans le domaine de l'architecture. Longue comme un jour sans confiture, sont les journées de Faustine désormais. Coincé dans un local entre deux jeunes informaticiens incultes et une secrétaire délurée, elle n'a rien d'autre à faire qu'à tirer les bons de commande ou de livraison pré-imprimés pour les faire signer et contre-signer par les deux directeurs de la boîte. Tu parles d'une responsabilité. Les seuls moments à peu près intéressants sont ceux durant lesquels elle fume et discute avec les ouvrières de l'atelier. Faustine recueille leurs doléances et s'indigne avec elles. C'est sûr, elle ne peut pas rester ici, sous peine de crever d'ennui. Chaque fois qu'elle le peut, la jeune femme passe du temps à la Prana, la société où travaille Maxime. Jacques, le big boss, Claude, le commercial, l'adopte peu à peu. Claude, très déçu par sa secrétaire actuelle, songe à la remplacer. Un jour, la donzelle commet la bourde de trop. Cette fois, Jacques en a assez et lui demande de démissionner. En bon philanthrope, il rédige néanmoins un certificat dithyrambique. Franc-maçon, il se fit fort de trouver au sein de sa loge une société qui a besoin d'une bonne secrétaire. La jeune femme ne rechigne pas trop. Elle est presque sûre de trouver un boulot à sa mesure plus près de chez elle. Faustine est ravie. La place est enfin libre. Il ne lui reste plus qu'à démissionner de chez Elexo avec effet immédiat. Comme cadeau d'adieu, elle remet à ses futurs ex-employeurs une épître manuscrite. Sur 18 pages, elle leur explique qu'il est grand temps pour eux d'arrêter de prendre les femmes pour des cruches. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils perdent en méprisant à ce point leurs compétences. Pour sa part, elle a décidé d'interrompre leur collaboration. Faustine ne saura jamais si ces graves messieurs en costume trois pièces auront suivi ses conseils ou ne serait-ce que lu ses lignes. Elle s'en fiche et contre-fiche. Le monde lui appartient. Elle va enfin pouvoir exercer son métier dans de bonnes conditions.